liberté, entêté. J'étais impossible de croire les gens, je pensais qu'on avançait. Je me suis trompé, comme quoi les gens ne font pas des légendes. J'aurais jamais pensé, vraiment jamais, que t'étais de celles qui écartaient les jambes. Tu m'as pas respecté, tu ne t'es pas respecté. Je pensais t'avoir tout donné, mais ton nom ne sera pas sur la page d'après. Ma confiance, je te l'ai donné, les yeux fermés et regarde ce que t'en as fait. Je pensais t'avoir tout donné, mais ton nom ne sera pas sur la page d'après. Yeah. Ma confiance, je te l'ai donné, les yeux fermés et regarde ce que t'en as fait. T'as joué avec moi, ouais t'as joué avec moi. De toute façon tu verras, tu tomberas sur quelqu'un pire que moi. T'as joué avec moi, ouais t'as joué avec moi. De toute façon tu paieras, tu tomberas sur quelqu'un pire que moi. Car la confiance se gagne, tu l'as perdue. D'ailleurs j'aurais jamais dû te la donner. Au moment où je te parle, je suis plus déçu. J'arrive au stade où tu m'as dégoûté. On dit que la roue tourne, si c'est vrai. Bah, j'espère vraiment qu'elle va t'écraser. Je te souhaite le meilleur, le meilleur du pire. Je pensais t'avoir tout donné, mais ton nom ne sera pas sur la page d'après. Ma confiance je te l'ai donné, les yeux fermés et regarde ce que t'en as fait. Je pensais t'avoir tout donné, mais ton nom ne sera pas sur la page d'après. Ma confiance je te l'ai donné, les yeux fermés et regarde ce que t'en as fait.